Alléluia. Alléluia. Now, maintenant, the Lord has spoken with me. Le Seigneur a parlé avec moi about the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. And it's absolutely critical. Et c'est absolument critique. Precious people. Précieux peuple. I'm going to share. Je m'en vais partager. There is a very important message here. C'est un message très important ici. Before I say so, avant que je dise cela, the Lord is now fulfilling his word. Maintenant le Seigneur accomplit sa parole. The word says, la parole dit that in the days before the Messiah returns, que dans les jours avant que le Seigneur revienne, there will be, il y aura the testimony of the word. Le témoignage de la parole. The testimony of the blood. Le témoignage du sang. The testimony of the cross. Le témoignage de la croix. The testimony of the Holy Spirit. Le témoignage du Saint-Esprit. Will be preached. Sera prêché. Unto the four ends of the earth. Aux quatre coins de la terre. As a witness. En tant que témoin. That he is coming. Comme un témoignage qu'il vient. Now, maintenant. You should know. Vous devriez savoir combien de nations qui ont faim d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre année après année. Toute nation dit nous entendons que de l'Afrique. Now he has spoken. Maintenant, il a parlé. Please come to us. S'il vous plaît, venez vers nous. We hear. Nous entendons that you have seen the wedding ring. Que vous avez vu les anneaux de noces. We hear. Nous entendons that you have seen the clock of Jehovah. Que vous avez vu la pendule de Jéhovah. We also hear nous avons aussi entendu that you were in Haiti, que vous avez été en Haïti and Chile, et au Chili. And we hear et nous entendons that you also spoke to the volcano mountain, que vous avez aussi parlé aux montagnes volcaniques in Iceland, en Islande. And you told the mountain, et vous avez dit aux montagnes come out. Et vous avez dit à la montagne de sortir et de fermer la terre. Nous entendons ces choses. Que vous avez aussi parlé en Chine. Et nous entendons que le péché aussi, vous le rejetez. S'il vous plaît. Si ce message trouve faveur devant le Seigneur, come to us. Viens vers nous. We also need to enter. Nous avons aussi besoin d'entrer, disent-ils. Why? Pourquoi? Why would I tell you this? Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? That you may touch this hour. Pour que vous puissiez saisir cette heure. Toutes choses que je vais dire ici, parce que d'autres ne l'ont pas eu. Que direz-vous au Seigneur si vous manquez d'être enlevé? S'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez la gravité de cette parole. Le Seigneur a parlé avec moi le 14 mai. Le 14 mai 2010, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Écoutez attentivement, précieux peuple. Ceci va poser les bases, la fondation de ce message. The Lord spoke with me. Le Seigneur a parlé avec moi on that May 14th. Ce 14 mai. 2010, à propos de l'état de l'Église. Nous irons très lentement et résumerons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans cette vision du Seigneur, le Seigneur m'a invité à parler aux pasteurs et dis-leur de fermer la porte. Et ils n'ont pas fermé la porte. Ensuite, la bête sauvage a envahi la maison du Seigneur et ils ont horriblement dévoré les brebis. Les précieuses brebis de Christ, ils les ont dévorées et les ont déchirées. Ensuite, le mur s'est écroulé. Ensuite, un autre groupe est venu, encore plus vicieuse. Ils ont dévoré et assassiné les brebis et les ont souillées. Et ensuite, dans la seconde partie, le Seigneur m'a montré la voiture blanche et il m'a dit, dis au pasteur d'entrer avec toi dans cette voiture blanche pour que tu puisses les conduire dans le champ missionnaire, dans la vigne, pour que nous puissions faire quelques œuvres là. Mais les pasteurs dans cette vision ont refusé. Et ils ont pris toutes les bicyclettes peintes en noir et les ont tenues et il n'y avait pas d'avantage mécanique pour qu'ils puissent monter les collines. Ils descendront de leur bicyclette et les pousseront. Et les pousseront jusqu'au haut de la colline. Et ils m'ont laissé savoir les dangers qui étaient tout au long de la route. Et ils savaient qu'ils allaient être dévorés. Je désire finir là. Utilisez cela comme la fondation. Écoutez, précieux peuple. Quel est le message pour l'Église? Quand le Seigneur a envoyé Jérémie dans la maison du Seigneur, il y avait une controverse. Ils ont été en contradiction. Qu'est-ce que la parole a dit? Et ce que le sanctuaire du Seigneur a été disséminé, vous pouvez l'envoyer, quoi que ce soit que vous prêchiez, en prêchant la parole, et aussi vous pouvez disséminer juste de la manière dont vous vivez votre vie chrétienne. Quel que soit le cas, le clergé ou la congrégation, il y avait des controverses, des contradictions entre la position du Seigneur the requirements of the Lord. Entre les exigences du Seigneur and what was emanating from the sanctuary. Et ce qui émanait du sanctuaire. Listen, écoutez, if you follow the vision I've summarized here, si vous suivez la vision que j'ai résumée ici, it is obvious, c'est évident. Especially to you the enlightened. Et spécialement pour vous qui êtes éclairés, the sheep of Christ, les brebis de Christ that have been enlightened by this word, qui ont été éclairées par cette parole, there is no doubt, il n'y a pas de doute. That you understand what the Lord is saying. Mais vous comprenez ce que le Seigneur dit. Come with me. Tournez avec moi to the book of Psalm 69. Au psaume 69. Le verset 9, Psalm 69, le psaume 69, verset 9. Listen to what the Lord says. Écoutez ce que le Seigneur dit. He says, il dit, I feel like fire, je sens comme un feu qui brûle ma vie. I feel like I want to fly, je me sens comme si je voulais voler, but I have no wings. Mais je n'ai pas d'ailes. Je ne sais pas combien de feu. Quelquefois, je sens comme si j'allais tomber et ris ou pleure. Le feu du Seigneur. Encore. Le psaume 69, verset 10 en français. Il dit, car le zèle de ta maison me consume. Car le zèle de ta maison me consume. Et il dit, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Dans la version King James, il dit, écoutez, et les reproches de ceux qui te reprochent tombent sur moi. Car le zèle de ta maison me mange, me finit. Et les reproches de ceux qui t'insultent m'insultent. Continuons un pas. Il dit, quand je verse des larmes et jeûne, je dois endurer l'opprobre. Quand je verse des larmes et que je jeûne, je dois endurer l'opprobre. Le moment de vérité a commencé. Et il dit, quand je prends un sac pour vêtements, people make fun of me. Je suis l'objet de leur sarcasme. And when I wear the sack cloth, et quand je porte un sac, they make a sarcasm out of me. Je suis l'objet de leur sarcasme. I become a laughing stock. Je deviens quelqu'un dont on rit. Therefore, donc, for zeal for your house, le zèle de ta maison, because of that, à cause de cela, for zeal for your house, le zèle de ta maison is finishing me, me finit. Why? Pourquoi? Why would the Lord show me such a vision? Pourquoi est-ce que le Seigneur me montrerait une telle vision? Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. When the Holy Spirit, quand le Saint-Esprit a parlé dans ce 14 mai, dans cette vision, en d'autres mots, vous qui êtes éclairé, vous savez, il peut avoir dit, depuis que tu sais, je ne dirai pas, parce que c'est évident, mais, qu'il y a une raison pour qu'il soit allé plus loin et qu'il ait parlé. Écoutez attentivement. C'est comme si le Seigneur demandait dans cette maison, dans ce sanctuaire, dans cette tente, est-ce qu'il y a personne qui soit resté? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour qui le zèle de ma maison est quelque chose pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui le zèle de ma maison le consumera, la finira? Pourquoi est-ce que le Seigneur demanderait cela? Que pour le zèle de la maison, me consume. Pourquoi? Quand vous lisez plus loin, quand je verse des larmes et jeûne, j'ai à endurer l'opprobre. J'ai à endurer l'abus. Leur abus. Et ceux qui vous abusent, quand je les écoute, je sens que c'est moi qui suis abusé. Il a dit, quand je porte un sac, ils appellent leurs enfants, ils disent à leurs voisins et leurs enfants de venir et voir. Regardez, ils portent un sac et ils se moquent de moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur vous apporte ceci? Si vous suivez très attentivement cette vision et dans cette parole, il dit que si vraiment vous aimez le Seigneur et que vous regardez autour de vous, alors vous saurez que les choses ne vont pas bien dans le sanctuaire du Seigneur. Et donc, il demande, les fils de Dieu sont-ils là, encore restés dans la maison? Et s'ils sont là, qu'ils se lèvent et soient consumés par le zèle pour la maison. Ensuite, de là, il dit, considérant l'état de l'Église, quand maintenant le Messie, le Seigneur a parlé avec moi, que le Messie vient, et un jour, je ne désire pas croire que aucun d'entre vous ne va dire ce que je vais dire. Je ne désire pas croire que aucun d'entre vous ne va dire ce que je vais dire. Le Seigneur a parlé avec moi à propos du retour de Christ, la venue du Messie. Mais la question est ceci. Êtes-vous prêt? Un jour, quelqu'un va dire, wow, que cette chose était juste. Il vient, elle repart. Il vient, elle repart. Jusqu'à ce que, paf, ça arrive. En d'autres mots, le Seigneur demande, avez-vous reçu la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu? Qu'avez-vous fait? pour rendre la maison, pour rendre le sanctuaire différent, réformé. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous suivez ceci, le Seigneur demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui commence à se lamenter quand il regarde à la maison? Laissez-moi la porter d'une autre manière. Le Seigneur dit, il m'aimera assez que les reproches de ceux qui me font des reproches tombent sur vous. Alléluia. Si vous regardez à l'Église, le Messie vient et le temps est passé. Et maintenant, pour eux, de préparer l'Église, le diable a menti à l'Église. Et maintenant, elle se prépare pour un jour meilleur sur la terre. Et maintenant, le Seigneur dit, le temps est passé. Prépare-les pour le royaume de Dieu. Arrêtez la soumission. Vous commencez à subjuguer les commencements des douleurs de l'enfantement. J'aimerais que vous sachiez, dit le Seigneur, de telles choses doivent arriver. Les tremblements de terre. Arrêtez d'inventer des nouvelles machines, de nouveaux types de bâtiments pour détecter, pour vivre bien, pour subjuguer les tremblements de terre. De telles choses doivent arriver. Pourquoi? Parce qu'elles représentent le repère de cette dispensation. Il a dit, arrêtez d'être subjugués par la crise économique globale. De telles choses doivent arriver. Et vous ne pouvez rien faire à propos de cela. Parce que l'humanité, pour longtemps, l'Église, ça c'est incroyable. L'Église, pour longtemps, a planifié sa vie et vécu sa vie et a arrangé sa vie éveillé pour la venue du Messie. C'est pourquoi la douleur est tellement grande, horrible. Arrêtez de prêter attention à ces choses. Préparez l'Église. Parce que dans Matthieu 24, le verset 7, des tremblements de terre et des famines doivent arriver en cette heure. Écoutez ceci maintenant. Si vous regardez à l'Église, les faux prophètes, quelqu'un m'a donné une carte. Une petite carte, une carte d'affaires. Et il est effrayé de la donner. Vous pouvez sentir qu'il a peur. Il voulait la donner, mais il tremblait à propos de la donner. Et quand je l'ai prise, la carte disait apôtre. Apôtre tel et tel, avec sa femme, apôtre tel et tel. En d'autres mots, Le Seigneur dit, ça doit être évident pour vous qu'il y a une grande chute. Mais il a parlé n'importe comment. Écoutez, précieux peuple. Le Seigneur demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste dans la maison qui est consumé par le zèle de la maison? Parce que si ça vous arrive, la transformation va frapper votre vie. La transformation va frapper votre cœur. Vous allez commencer à comprendre qu'il doit y avoir une réformation dans cette maison. Jérémie, chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Verse 20. Le verset 20. Ma tente est détruite. And all is broken apart. Tous mes cordages sont rompus. My sons are gone from me. Mes fils m'ont quitté. And are no more. Et ils ne sont plus. No one is left now to pitch my tent. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. And to set up my shelter. Et qui relève mes pavillons. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. When he says, quand il dit, le zèle de ta maison me consume. What does the Lord mean? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Number one. Numéro un. Listen what he says. Écoutez ce qu'il dit. That is what Paul, que si the zeal for the house, le zèle de ta maison, is going to eat you up, ça va vous manger, consume you, vous consumer. Number one is that you will cease to exist. Numéro un, vous allez cesser d'exister. You will cease to exist. Vous allez cesser d'exister. Let me put it better. Laissez-moi le mettre mieux. It will cease. Ça va cesser. To be about you. Ça va cesser d'être à propos de vous. It will now turn around. Ça va maintenant tourner autour and be about him. Et être à propos de lui. Le zèle pour la maison puisse maintenant vous consumer pour que vous puissiez faire maintenant toute chose depuis maintenant en ce qui concerne la maison et la maison seule. Ça signifie que le Seigneur dit, si vous avez vraiment du zèle pour ma maison, en cette heure désespérée, alors, vous devez avoir une consécration totale. Une consécration totale pour ma maison. Je vais vous amener à un autre niveau, le second niveau de la maison. Le Seigneur demande, si vous clamez que le zèle pour la maison vous a consumé, alors êtes-vous vraiment consacré à la maison? Totalement, totalement, complètement. Numéro 2. Quand le zèle pour la maison consume votre église, vous allez regarder au déclin, la putrification qui vient dans la maison, et vous déciderez que moi, je désire être séparé. La deuxième chose, c'est la séparation. Quand le zèle pour la maison, le zèle de la maison, quand c'est votre maison, le moment de vérité, est-ce que le zèle de la maison consumed, vous a consumé. Said, Jérémie dit, the Lord laments, le Seigneur se lamente tent, que ma tente est détruite and my son, et mes fils se sont éloignés de moi. No one is left. Personne n'est resté. No more. Plus personne. To build my shelter. Pour construire ma tente. Where are the sons of God? Où sont les fils de Dieu? That's what the Lord is asking today. C'est ce que le Seigneur demande aujourd'hui. The zeal for house. Le zèle de la maison. Has it consumed your heart? Est-ce qu'il consume votre cœur? Then what have you done? Ensuite, qu'avez-vous fait? You say it would not happen. You say it would not happen. Il a dit, si cela arrive, commitment. La consécration, your person will disappear. Votre personne va disparaître. And everything will be about him. Et tout sera à propos de lui. And that separation. Et cette séparation, you cannot be a deliverer. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui délivre until you yourself avant que vous-même have been delivered. Vous ayez été délivré. She's gone away. Elle s'en est allée. The tent is desolate. La tente est désolée. The ropes are snapped. Les cordages sont rompus. Elle fait d'autres programmes. Que vous pouvez recevoir votre guérison. Elle court avec le programme des faux prophètes. L'Église suit le programme des mensonges. Est-ce que le zèle de la maison vous consume? Précieux peuple, le temps est passé. Nous devons nous transformer aujourd'hui. Parce que c'est passé. Laissez-moi vous dire le niveau suivant maintenant. C'est ce que le Seigneur dit. La Bible dit. Do you not know? Est-ce que vous ne savez pas? Are you not aware? N'êtes-vous pas au courant? Have you not yet understood? Est-ce que vous n'avez pas compris? That your body que vos corps are the holy temple sont le saint temple of the Lord, du Seigneur, of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. Are you not yet aware? N'êtes-vous pas encore au courant? Don't you now know? What he was talking about in that dream. Ce qu'il était en train de dire dans ce rêve, that your hearts, que vos cœurs that are the holy temple of God, sont que vos maisons qui sont le temple saint de Dieu, are the ones, ce sont ceux that have been invaded, ont été ceux qui ont été envahis, that have been devoured. Ils ont été dévorés. Now it's not about ça n'est pas à propos du pasteur qui a été réprimandé aujourd'hui. Ça n'est pas à propos de votre pasteur qui a été réprimandé aujourd'hui. C'est toujours à propos de vous. Même à la croix. C'était toujours à propos de votre cœur. Pour qu'il puisse gagner le cœur des hommes. Pour qu'il puisse racheter le cœur des hommes. Ce soir, il doit y avoir de la repentance ici. Pourquoi? Parce que les cœurs sont déchirés par le péché, par des fautes. Les péchés sexuels sont dans cette église. Des actes sexuels sont dans cette église. Car le zèle pour la maison me mange. Seigneur, I want to see a better house. Je désire voir une autre maison. Agé, chapitre 2, précieux peuple. Before we read this, avant que nous lisions, écoutez-moi. Écoutez. And very well. Très bien. You feel it. Il a dit, when I weep and fast, quand j'ai versé des larmes et j'ai jeûné, they laugh at me. Ils ont ri de moi. When I wear the sackcloth, quand j'ai porté le sac, they scorn at me. Ils m'ont méprisé. You can already tell the state of the church from there. Vous pouvez déjà dire l'état de l'Église de là. Don't you know, ne savez-vous pas, that all that matters the Lord, tout ce qui compte pour le Seigneur is a remorseful heart, est un cœur plein de remords. Is a repentant heart, c'est un cœur repentant. Oh, cette religion de sac, ils sont venus. Fermons nos portes et regardons de nos beaux balcons. Comment est-ce que vous ne pouvez pas savoir que le fait de porter un sac est un symbole d'humilité? C'est un signe de brisement. Est un signe de cœur déchiré, plein de remords et repentant. Si il rit de cela, alors vous pouvez tout de suite comprendre les saints de l'Église, ce qui signifie l'Église est actuellement sans repentance. Rien à faire avec la repentance. Le zèle de la maison me mange. Je ne peux plus fonctionner. Quand je regarde à l'état de la maison, je sais qu'il y a une meilleure place. Une place plus haute où l'Église devrait être maintenant. Agé chapitre 2 du verset 3. Alléluia. Alléluia. Who of you is left? Qui parmi vous est resté? Who saw this house? Qui a vu cette maison in its former glory? Dans sa première gloire? How does it look to you now? Et comment la voyez-vous maintenant? Est-ce que ça ne vous semble pas comme rien? Écoutez-moi ici. Les anciens sont réunis de la même manière que vous êtes réunis aujourd'hui. Les anciens d'Israël. Et ensuite, basé sur comment les choses vont, une question vient. Et les prêtres ont demandé. Avant qu'ils demandent, il y avait beaucoup de tristesse qui a commencé à les frapper dans le sanctuaire, dans la place sainte, dans le saint des saints. Et quand ils sont sortis, ils étaient en pleurs. Alors une question est venue. Les plus anciens ont demandé, vous, les prêtres, qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Et il s'est effondré. Et il leur a demandé, les anciens d'Israël. Et il a demandé, comment ne pouvez-vous pas voir? Comment n'êtes-vous même pas au courant que les choses sont aussi mauvaises? Et il leur a demandé, qui d'entre vous est encore là? qui a vu cette maison dans sa première gloire. Ensuite, ils ont été brisés. Les anciens s'effondrèrent et pleurèrent. Les anciens d'Israël, ils ont été brisés et ils ont pleuré. Parce qu'ils se souvenaient. Ils se souvenaient quand il y avait des sacrifices qui étaient offerts dans le Saint des Saints. Et la gloire était envoyée et reçoit le sacrifice et fait tomber beaucoup de gens jusqu'à ce que le service soit fini. Même on ne pouvait plus voir. Ils se souvenaient subitement et ont commencé à pleurer. Ma question à l'église est celle-ci. S'il y a quelqu'un dans cette place qui est au courant du pouvoir, de la gloire, de l'autorité, de la première pluie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse se souvenir de Pentecôte? Si vous allez aux États-Unis, tout le monde dit ici, ils marchent fatigués, allant à Azusa Street. Pour se souvenir, 100 ans auparavant, quand le Saint-Esprit descendait au Chili, ils m'invitaient pour la célébration du centenaire, pour se souvenir, il y a 100 ans, quand le Saint-Esprit est descendu au Valparaiso. Ma question à l'église est ceci. Vous allez célébrer un centenaire, mais qu'en est-il de la gloire future? Êtes-vous averti de la première gloire qui ne semble être comme rien quand les gens célébraient le centenaire pour commémorer quand le Seigneur nous visitait il y a 100 ans. Mais Kenya, vous avez vu la dernière visitation de Dieu. Quand la gloire est descendue comme du feu et qui a touché des milliers et guéri beaucoup, quand les aveugles ont vu, les estropiés ont marché et les sourds ont entendu, le zèle de la maison, qui d'entre vous est consumé par le zèle de la maison? Combien béni. Vous avez vu. Et alors vous devriez être à la meilleure place. Vous devriez être plus résolu et dire ces choses-là qui font que les paralytiques marchent sans payer quoi que ce soit, gratuitement, ces choses-là qui font qu'un enfant qui est né aveugle voit, ces choses-là, je veux les saisir. Ces choses ici peuvent conduire au royaume de Dieu. Celui-là paraît sûr. Et il a dit, le verset 6, C'est ce que le Dieu Tout-Puissant dit. In a little while, encore un peu de temps. I will once more shut the heavens, et j'ébranlerai les cieux and the earth, et la terre and the sea, et la mer and the dry land. Et le sec. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai cette maison, cette maison avec ma gloire, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'argent est à moi et l'or est à moi, déclare le Seigneur Tout-Puissant. La gloire de cette maison finale va être plus grande que la gloire de la première maison, dit le Seigneur. Écoutez, et les trésors des nations, les trésors des nations vont sortir. Est-ce que ça n'est pas les élus de Dieu? Les élus de Dieu. Quand le renouveau de la fin vient, comme il est déjà, ça purifie l'Église. Le zèle pour la maison alors consume l'Église. Et ensuite, après cela, ce renouveau prépare l'épouse de Christ. Et ensuite, après l'enlèvement, le zèle de la maison maintenant consume Israël. Et les trésors des nations, les élus de Dieu, la prunelle de ses yeux, Israël est maintenant réveillé. Ensuite, ils reconnaissent le Messie. Précieux peuple, lisez à la maison Ésaïe 54, la tente de Dieu, et tes cordages sont cassés. Le zèle pour la maison n'est plus dans le cœur de ses fils et de ses filles. Quand il dit que les cordages sont cassés, ça signifie qu'il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas d'âme qui entre dans le royaume. Personne ne reçoit Jésus de Nazareth. Pas de réveil. Parce que dans Ésaïe 54, élargis ta tente. Rallonge tes cordages. Allonge-les du côté de l'est et aussi du côté de l'ouest, au nord et aussi au sud. Est-ce que le Seigneur ne vous a pas parlé? Ceux qui désirent se repentir en cette heure, levez vos mains et je veux que vous répétiez très très haut. The mighty Father in heaven, puissant Dieu dans les cieux, là je me repens, car le zèle de la maison ne m'a pas consumé. Mets le feu, le feu du Saint-Esprit, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère. Puissant Père, aujourd'hui, je reçois Jésus as my Lord. mon Seigneur. Et mon Seigneur. Et mon Sauveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am born again. Je suis né de nouveau. I am born again. Je suis né de nouveau. I am born again.